À 9 h, par une nuit noire, Glenarvan donna le signal du départ. La partie basse du plateau fut franchie sans accident, et les voyageurs commencèrent à remonter en silence. Le bouquet de bois était invisible, mais on le savait là. Glenarvan espérait s'y trouver un lieu sûr. Cependant, il observa qu'à compter de ce moment, il n'était plus protégé par le tabou. La crête remontante n'appartenait pas au Manganamu. La petite troupe s'éleva par un mouvement insensible vers les plateaux supérieurs, surmontés d'un taillis. Et bientôt, le taillis se dessina vaguement dans l'ombre. En quelques pas, il fut atteint, et les fugitifs se blottirent sous l'épais feuillage des arbres. La nuit favorisait cette évasion. Pendant 3 heures, on marcha, sans faire halte, sur les rampes très allongées du revers oriental. À 9 h du matin, 12 000 avaient été enlevés en 12 heures. Paganel, sa carte à la main, fit un crochet vers le nord-est. Et à 10 h, la petite troupe atteignit une sorte d'abrupt rodant formé par une saillie de la montagne. Les vivres furent retirés des sacs et on leur fit honneur. La halte se prolongea jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Puis la route de l'Est fut reprise et les voyageurs s'arrêtèrent le soir à 8 000 des montagnes. Ils ne se firent pas prier pour dormir en plein air.